إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Toujours dans la traduction du livre Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan du Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait expliqué les versets 1 à 7 de Surat Al-Hashr, Surat l'Exode. On entame aujourd'hui l'explication du 8e verset. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل dit dans ce 8e verset de Surat Al-Hashr, l'Exode, Surat numéro 59, aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى الأموال أموال الفي لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجر المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر. فلم ينزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي، وجعل يزيد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان. Donc الشيخ السعدي رحمه الله تعالى dit: puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité la sagesse et la cause du fait que bénéficient de ce butin ces catégories de personnes. Et ici, dans ce 8e verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens. Et pour vous rappeler le contexte de cette sourate, sourate Al-Hashr, donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu lors du cours dernier, a cité que c'est lui qui a fait sortir les mécréants parmi les gens du livre de leur demeure pour la première exode. On a dit que ici c'était Banu Nadir, la tribu de Banu Nadir. la tribu juive de Banu Nadir, et que les musulmans ne pensaient pas qu'ils sortiraient de leur forteresse. Et eux pensaient qu'étant dans leur forteresse, ils pouvaient échapper et se protéger des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal a mis la terreur dans leur cœur. Puis ils ont contacté ou pris contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils aient refusé de quitter Médine, lorsqu'ils ont trahi leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voulant le tuer. Donc, lorsque les hypocrites leur ont promis le soutien, ils ont refusé de quitter Médine comme leur avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme leur avait ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur donnant un ultimatum de 10 jours. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Al-Fay, du butin qui a été obtenu. Et ce butin, Al-Fay, quelle est la particularité de Al-Fay? C'est que c'est un butin qui est obtenu sans combat. Sans combat, d'où le fait que un cinquième, comme on l'a vu la semaine dernière, est donné à Allah et à son envoyé. Et ce cinquième, destiné à Allah et à son envoyé, comment est-ce qu'il est utilisé? Pour le bien commun des musulmans. Un cinquième pour les proches. On avait dit que c'était... Qui sont les proches ici? Non? La tribu du professeur Asselem. Banu Hashim et... Banu Al-Muttalib. Vous avez déjà oublié? Banu Hashim et Banu Al-Muttalib. Donc, et ensuite, un cinquième pour les pauvres parmi les orphelins, un cinquième pour les pauvres et un cinquième pour les voyageurs qui se sont égarés dans un pays qui n'est pas le leur. Dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui bénéficient de ce cinquième qui est destiné à Allah et à son envoyé. On a dit que ce cinquième était dépensé dans l'intérêt général des musulmans. Et Allah azza wa jal cite justement dans ce 8e verset, cite dans ce 8e verset, et on va lire le 8e, le 9e et le 10e pour que l'on comprenne bien l'explication de Cheikh As-Sa'di rahimahullah. Donc Allah Azza wa Jal قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وليجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc Allah Azza wa Jal dit, le butin appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également, c'est-à-dire ce butin, à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, c'est-à-dire Médine, dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également, c'est-à-dire ce butin, à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Donc, le Cheikh Saadi, rahimahullah, dit qu'Allah Azzawajal a cité la sagesse et la cause pour laquelle il a accordé ce butin à ceux qu'il a cités, ceux qui méritent une aide et ceux qui méritent que cette part de butin leur soit donnée. Cette part est donc divisée. Allah Azzawajal a d'abord cité Al-Muhajirin, ceux qui ont émigré, ceux qui ont délaissé les choses qu'ils aimaient et ceux qui ont délaissé ce à quoi ils s'étaient attachés parmi les maisons, les villes, les personnes qui leur étaient chères, les amis et les biens. Ils ont délaissé tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé tout cela par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là sont les véridiques, ceux qui ont mis en pratique les implications de leur foi. Ils ont donc prouvé la véracité de leur foi par leur acte pieux et vertueux et par ces adorations qui sont difficiles à accomplir. Car est-ce que la hijra est une chose facile? Non, c'est une chose qui est difficile. Et cela est même rapporté dans un hadith, « Wa inna amraha la shadid », que le sujet et le cas de la hijra est difficile. C'est-à-dire que le fait qu'une personne délaisse l'endroit où il a grandi, l'endroit où il a vécu, l'endroit où il s'est habitué, l'endroit où il y a ses biens, sa maison, sa famille, son entourage, de quitter tout cela pour Allah et son envoyé, est une chose qui n'est pas simple et aisée. Puis, Cheikh Saadi rahimahullah dit, contrairement à celui qui prétend avoir la foi, mais n'a pas prouvé sa véracité à travers la lutte dans le sentier d'Allah, à travers la hijra ou autres adorations. Donc ici, Cheikh Saadi explique le 8e verset de Sourate Al-Hash, dans laquelle Allah Azza wa Jal parle de Al-Muhajirin, de ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Puis il dit, rahimahullah, wa bayna ansarin wa hum al-aws wal khazraj. Et également entre eux, donc bénéficient d'une part de ce butin les ansar. Et les ansar, qui sont-ils? Ce sont les tribus de l'Aws et de l'Khazraj, qui ont cru en Allah et en son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont protégé et se sont installés dans cette terre d'émigration et de foi. Une terre qui, par la suite, est devenue un refuge pour tous les croyants. Et c'est vers cette terre que se dirigeaient les immigrés. Et ils y habitaient sous la protection. Ils y habitaient, c'est-à-dire dans cette ville de Médine, en toute sérénité, alors que le reste du pays était proie à la guerre, au mal et au polythéisme. Et ceux qui ont voulu secourir la religion n'ont cessé de se rendre à Médine jusqu'à ce que l'islam se soit propagé et se soit renforcé petit à petit. Ainsi, ils ont pu atteindre les cœurs par la science, la foi et le Coran, et ils ont pu conquérir les autres terres par l'épée et le fer de lance. Donc ici, Cheikh Saadi commence à expliquer le 9e verset. À ceux qui, avant eux, avant qui ? Avant les muhajirin. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ceux qui avant eux se sont installés dans le pays, c'est-à-dire Médine, et dans la foi. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم وهذا لمحبتهم لله ولرسوله أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم من الفضائل والمناقب التي هم أهلها وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فدل على أن الله تعالى أتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار وهو أكمل أنواع الجود وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها بل مع الضرورة والخصاصة وهذا لا يكون إلا من خلق زكي وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا والإيثار عكس الأثرة فالإيثار محمود والأثرة مذمومة لأنها من خصال البخل والشح ومن رزق الإيثار فقد وقي الشح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ووقاية الشح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه وإن كانت محبوبا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. Puis il dit rahimahullah, toujours dans le 9e verset de sourate Al-Hashr, dans lequel Allah Azza wa Jal parle de Al-Ansar, et que Al-Ansar font aussi partie de ceux qui bénéficient de Al-Fay, du butin, obtenu sans combat. Allah Azza wa Jal a décrit Al-Ansar tout d'abord comme étant ceux qui se sont installés avant les muhajirines dans cette terre qui est Médine, qui est la terre de la foi. Puis Allah Azza wa Jal, comme le dit Cheikh Saadi, est parmi leurs caractéristiques louables et qu'ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Donc, Al-Ansar aime ceux qui émigrent vers eux, ceux qui quittent, par exemple, la Mecque pour se rendre à Médine. Et ceci, de par leur amour pour Allah et pour son envoyé. Ainsi, ils aiment ceux qui sont aimés par Allah et son envoyé, et ils aiment ceux qui secourent la religion. Et l'autre caractéristique par laquelle Allah Azza wa Jal a décrit Al-Ansar, وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا et ne ressentent pas et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune jalousie envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme mérite aux muhajirin, à ceux qui ont émigré. Ils n'éprouvent pas de jalousie vis-à-vis des muhajirin à qui Allah azza wa jal a accordé des mérites, à qui Allah subhanahu wa ta'ala ou dont Allah azza wa jal a cité les vertus. Et cela prouve la pureté de leur poitrine. La pureté de leur poitrine, c'est-à-dire des poitrines de l'Ansar. Et que dans les poitrines de l'Ansar, il n'y a ni rancune, ni rancœur, ni jalousie. Et ce verset prouve que les muhajirines sont meilleurs que les Ansar. Car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les cités. Allah Azza wa Jal a cité d'abord les muhajirin. Et Allah Azza wa Jal a informé que Al-Ansar ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce qui a été accordé aux muhajirin. Cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux muhajirin ce qu'il n'a pas accordé aux Ansar. Et également parce que les muhajirin ont réuni entre le fait de secourir la religion et d'émigrer pour Allah. Et Al-Ansar, eux, n'ont fait que secourir la religion et secourir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, mais n'ont pas émigré de leur terre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux. Quant à Al-Muhajirin, ils ont à la fois secouru la religion et émigré et quitté leur demeure ainsi que leurs biens. Et Allah Azza wa Jal décrit également l'Ansar par une quatrième caractéristique, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et l'Ansar préfèrent à eux-mêmes, ils les préfèrent, c'est-à-dire ils préfèrent Al-Muhajirin à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, même s'il y a pénurie chez les Ansar. Les Ansar aiment les Muhajirin et font précéder les Muhajirin à eux-mêmes, même si les Ansar sont dans le besoin. Et Cheikh Saadi dit, rahimahullah, que parmi les caractéristiques par lesquelles ils ont surpassé les autres, en parlant de l'Ansar, le fait qu'ils soient caractérisés par Al-Ithar. Al-Ithar, comme l'a dit Cheikh Saadi, c'est la forme la plus complète de bonté. C'est la forme la plus complète de bonté. Et Al-Ithar consiste à faire précéder ce que la personne aime comme bien ou autre et donner cette chose à autrui tout en ayant besoin de cette chose, plus encore, tout en considérant que même si cette chose est une nécessité. Donc il y a des biens que l'on aime. Il y a des biens qui nous sont nécessaires. Al-Ithar, c'est le fait de donner ce que tu aimes à autrui, même si tu en as besoin. Et plus encore, c'est de donner ce qui t'est nécessaire aux autres, de faire précéder les autres à ta personne en leur donnant ce que tu aimes et ce qui est nécessaire pour toi. Et ceci n'émane que d'une personne qui a un comportement pur. Cela n'émane que d'une personne qui aime Allah et fait précéder l'amour d'Allah devant l'amour de tout ce que peut espérer ou rechercher une personne. Et fait partie de cela, de l'Ithar, l'histoire de ce Ansari qui, et qui a été la cause de la révélation de ce verset. Lorsqu'il a fait précéder son hôte, son invité, en lui donnant à manger et en faisant précéder la nourriture de son invité devant sa propre nourriture, la propre nourriture de sa famille et de ses enfants, jusqu'à ce que, au point même que ses enfants ont dormi affamés. Et ceci fait référence au hadith authentique lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ô envoyé d'Allah, je suis affamé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire pour demander à ses femmes pour savoir s'il y avait de la nourriture chez elles. Et chacune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Wallahi, laysa fil bayt illa ma. Par Allah, il n'y a dans la maison rien d'autre que de l'eau. Et toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu la même chose. À ce moment, il n'y avait aucune nourriture dans les différentes demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: qui peut inviter cet homme chez lui afin qu'il puisse manger? Et un parmi l'ansar, radiallahu anhu, a dit: moi ou envoyé d'Allah. Il est parti, accompagné de son invité, et a dit à sa femme: est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle a dit: oui, mais il n'y a que la nourriture des enfants. Il lui a dit, radiallahu anhu, d'occuper les enfants, de les distraire. Allilihim, distrait-les jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et c'est ce qu'elle a fait, radiallahu anha. Les enfants étaient affamés, elle les a distraits pour qu'ils pensent à autre chose et s'endorment. Puis il a dit à son épouse, car la nourriture était en petite quantité et cet homme était affamé. Cet homme avait besoin de manger et de se rassasier. Ainsi, il avait besoin d'une nourriture conséquente. D'autant plus que ce compagnon, radiallahu anhu, a considéré cet invité comme étant l'invité du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il lui a dit de poser la nourriture, puis lorsque elle voit que l'invité s'apprête à mettre sa main dans le plat, d'éteindre la chandelle. D'éteindre la chandelle. Et ainsi, laisser l'invité manger seul le plat, sans que lui ne se rende compte que les gens de la maison ne mangent pas avec lui. Et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce Ansari et a souri et a dit عجب الله من أمركما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كالله عز وجل s'est étonné de ce que vous avez fait la veille. Et Allah عز وجل a révélé ce verset: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, c'est-à-dire que Al-Ansar préfère les Muhajirin à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Même s'il y a pénurie chez eux. Et c'est la cause de révélation de ce verset. Puis, Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit que Al-Ithar, c'est le contraire de l'Athara. Al-Ithar, c'est le contraire de l'Athara. Donc, Al-Ithar, on a dit, c'est le fait de faire précéder autrui devant sa propre personne, même si l'on est dans le besoin. Et c'est le contraire de l'égoïsme. Al-Athara, en arabe, c'est l'égoïsme. Ainsi, Al-Ithar est une chose louable et l'égoïsme est une chose condamnable, car l'égoïsme fait partie de ce qui l'égoïsme caractérise l'avarice. Et celui qui fait preuve de ithar a préservé sa personne de l'avarice. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal, dans ce verset 9 de sourate Al-Hashr, a dit: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. À la fin de ce verset, Allah Azzawajal dit: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et le fait de se prémunir contre l'avarice, cela englobe l'avarice dans l'ensemble des obligations. Car si la personne se prémunit contre sa propre avarice, eh bien son âme va accomplir les ordres d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et va accomplir ses adorations en toute obéissance et soumission, en ayant le cœur apaisé. Et son âme va délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, même si cette chose est aimée par l'âme. Et son âme va également lui permettre, et sa personne va être poussée à dépenser les biens dans le sentier d'Allah et en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, bien sûr, est source de réussite, contrairement à celui qui ne se prémunit pas de l'avarice, de sa propre avarice, et est éprouvé en étant avare vis-à-vis du bien. Et le fait d'être avare vis-à-vis du bien est la base du mal, et c'est même sa matière première. Et Cheikh Sa'di dit: فَهَذَانِ الصِّنْفَانِ الْفَضِلَانِ. Ainsi, ces deux catégories méritoires sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux catégories, que sont Al-Muhajirin et Al-Ansar, sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont obtenu des mérites et des vertus par lesquels ils ont précédé ceux qui les ont suivis. Et ils ont atteint des mérites et des vertus par lesquels ils ont rattrapé ceux qui les ont précédés. Ce sont donc l'élite des croyants, ce sont les guides des musulmans et ce sont les maîtres des pieux. ثم قال رحمه الله: وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم. ولهذا ذكر الله تعالى من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفي الذي مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين. وهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. بيلجي رحمه الله تعالى: Il suffit comme mérite pour ceux qui sont venus après eux de suivre leurs traces et d'emprunter leur chemin. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité que ceux qui viendront après eux, en disant « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ » et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirines et les ansar. En disant, et ceci, ils disent cela pour se conseiller eux-mêmes et pour conseiller l'ensemble des croyants. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et cette invocation englobe l'ensemble des croyants, ceux qui ont précédé parmi les compagnons radiyallahu anhum, mais bien avant eux et même après eux. Et ceci fait partie des mérites de la foi, que les croyants se soutiennent les uns les autres et qu'ils invoquent les uns pour les autres. Et ceci parce qu'ils sont associés dans la foi, et la foi implique la fraternité entre les croyants. Et découle de cette fraternité entre les croyants le fait que les croyants invoquent les uns pour les autres et aiment les uns et s'aiment les uns les autres. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette invocation « وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا » et « ne mets pas dans nos cœurs et ne met dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. » Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, dans cette invocation, a nié la rancœur dans leur cœur. Et cela englobe la rancœur, quelle que soit celle-ci, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité. Une rancœur qui lorsqu'elle disparaît, eh bien, laisse place à son contraire, au contraire de la rancœur, qui est l'amour entre les croyants, l'alliance entre eux et le conseil entre eux, et bien d'autres vertus qui font partie des droits des croyants les uns envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui ont suivi les compagnons par la foi, car ils ont dit « Ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Donc cela est une preuve qu'ils sont associés à ceux qui les ont précédés dans la foi. S'il dit ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est que ces croyants qui invoquent sont dans la foi également et qu'ils sont croyants. Et parce qu'ils suivent les compagnons radiallahu anhum dans leur croyance, ce sont, c'est-à-dire ces croyants, les gens de la sunna et du groupe, ceux qui sont voulus par ce verset. Allah Azzawajal les a décrits également comme étant des croyants qui admettent leurs erreurs et qui demandent à Allah Azzawajal de leur pardonner et qu'ils demandent à Allah Azzawajal de pardonner également à leurs frères croyants. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères. Et il y a dans ce verset la preuve que celui qui invoque, invoque d'abord en faveur de sa personne. Ensuite, il invoque en faveur des autres. Et ceci n'est pas une forme d'égoïsme. Ceci n'est pas une forme d'égoïsme. La personne, lorsque tu veux invoquer, invoque d'abord pour toi, puis invoque pour les autres. Donc, ces croyants admettent leurs erreurs, demandent à Allah Azzawajal de leur pardonner, de même qu'ils demandent à ce qu'Allah Azzawajal pardonne à leurs frères croyants, et ils font en sorte que aucune rancœur et aucune jalousie n'existe dans leur cœur vis-à-vis de leurs frères croyants. Et cela implique qu'ils s'aiment les uns les autres et qu'ils aiment pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et cela implique également qu'ils se conseillent mutuellement, qu'ils se conseillent lorsqu'ils sont présents ou lorsqu'ils sont absents et qu'ils les conseillent vivants ou morts. Et ce verset prouve également que ce qui a été cité fait partie des droits des musulmans les uns envers les autres. Puis, ils ont clôturé cette invocation par deux noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, Innaka ra'ufur rahim, tu es compatissant et très miséricordieux. Deux noms d'Allah sublimes qui prouvent la parfaite miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la pitié et la bienfaisance qu'Allah azawajal accorde à ses serviteurs croyants. Et parmi cette bienfaisance et cette pitié qu'Allah azawajal a pour les croyants, le fait qu'il leur ait facilité le fait de mettre en pratique les droits d'Allah et les droits de ses et le droit de ses serviteurs. Ainsi, ces trois catégories réunissent les catégories de cette communauté. Quelles sont les trois catégories? Al-Muhajirin, Al-Ansar et ceux qui les ont suivis dans la foi, ceux qui sont venus après eux et qui les ont suivis dans la foi. Ainsi, ces versets, ces trois catégories englobent les catégories de cette communauté. Et ce sont eux qui méritent de bénéficier du fay, du butin qui est dépensé dans le bien commun des musulmans. Ce sont eux qui le méritent. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit « Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karameh » qu'Allah Azza wa Jal fasse, que l'on fasse partie d'eux par sa bonté et sa clémence, subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله: ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنهم يقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصحبهم، ولهذا كذبهم الله بقوله: الذي وجد مخبره كما أخبره الله به ووقع طبق ما قال، فقال: لئن أخرجوا من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم، لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بوعدهم. ولئن قوتلوا لا ينصرونكم، بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم، ولئن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي لا يحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens. Allah azza wa jal dit dans Sourate Al-Hashr, le verset 11 et 12. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله عز وجل dit selon le sens: n'as-tu pas vu, c'est-à-dire ô Muhammad, les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. Cheikh Saadi rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné de la situation et du cas des hypocrites, ceux qui ont fait espérer leurs frères parmi les gens du livre en leur faisant espérer qu'ils allaient les secourir et qu'ils allaient être leurs alliés contre les croyants. Et ces hypocrites ont dit aux Juifs: la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Donc ici Allah Azza wa Jalla fait allusion à ces hypocrites qui ont envoyé à la tribu de Banu Nadir, qu'est-ce qu'ils leur ont envoyé comme message? De ne pas quitter Médine. Lorsqu'ils ont trahi le professeur Assalam et que le professeur Assalam leur a donné un ultimatum de 10 jours, les juifs de Banu Nadir ont commencé à se préparer à quitter Médine. Puis les hypocrites leur ont envoyé un message leur disant de ne pas quitter et que nous allons être à vos côtés et que nous avons à disposition 2000 hommes qui combattront à vos côtés, et ainsi vous aurez le dessus sur les croyants. Allah Azza wa Jal parle de cela et Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire donc, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. C'est-à-dire que nous n'obéirons jamais à personne qui nous demanderait de ne pas vous secourir. Soit en nous faisant des reproches, ou soit en tentant de nous effrayer. Puis Allah Azza wa Jal dit « Wa in qutiltum lanansurannakum, wallahu yashhadu innahum lakadhibun » Puis les hypocrites ont dit « Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. » Et Allah Azza wa Jal dit « Wallahu yashhadu innahum lakadhibun » Et Allah atteste qu'ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs dans cette promesse par laquelle ils ont dupé leurs frères. Ils ont dupé qui ? Leurs frères parmi les gens du livre. Et ici, ce sont Banu Nadir, en l'occurrence. Et cela n'est pas étonnant de leur part, de la part des hypocrites. Car le mensonge est leur caractéristique. Car la duperie et la traîtrise sont... Ils sont de pair avec la duperie et la traîtrise. Et l'hypocrisie et la lâcheté sont sans cesse en leur compagnie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a traités de menteurs. Et effectivement, ce qu'Allah Azza wa Jal a informé est arrivé et a eu lieu. Car lorsque le chef de la tribu de Banu Nadir a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Inna la nakhruju » Nous ne sortirons pas. « Fa'fa'al ma badalak » Fais ce que bon te semble. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés, eux qui étaient dans leur forteresse, eh bien, ils se sont rendus compte que personne n'est venu les secourir et que cette promesse que leur avaient fait les hypocrites en leur promettant un soutien contre les croyants, ils n'en ont vu ni la couleur, ils n'en ont senti, ils n'en ont pas senti l'odeur également. Puis Allah Azza wa Jalla a dit لَاِنْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جَلَاءً لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ Et s'ils sont chassés de leur terre, et s'ils sont expulsés, ici Allah Azza wa Jalla parle de Banu Nadir. La yakhrujuna ma'ahum. Ils ne partiront pas avec eux. Qui ? Les hypocrites. Car ils aiment l'endroit où ils sont et ne peuvent pas patienter au combat. Et également, ils ne tiennent pas leurs promesses. Puis Allah Azza wa Jalla a dit Wa la in qutilu la yansurunakum. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourraient pas. Car s'ils sont attaqués, c'est-à-dire les juifs de Banu Nadir, les hypocrites ne les secourront pas. Car la lâcheté a pris le dessus sur eux. Ils ont donc humilié et délaissé leurs frères parmi les gens du livre, alors qu'ils au moment où ils avaient le plus besoin d'eux. Puis Allah Azza wa Jalla dit wala in nasaruhum et s'ils allaient à leur secours, c'est-à-dire en supposant qu'effectivement les hypocrites allaient les secourir, la yuwallun al adbar thumma la yunsarun. Ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. C'est-à-dire que même en supposant qu'ils aillent au combat, eh bien, ils auraient fait preuve de lâcheté et auraient tourné le dos au combat, et ainsi ils n'auraient connu aucune victoire. ويكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.